الصفات وفصل صلى الله عليه وسلم يدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إلا دي تخوف صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الولاغ ويوتي وله الحمد الوي كي ميريت لالوانج وهو على كل شيء قدير et c'est lui l'omnipotent. لا إله إلا الله وحده nul n'est en droit d'être adoré, lui l'unique. أنجز وعده il a accompli sa promesse, il a tenu sa promesse. ونصر عبده et il a triomphé son serviteur le prophète صلى الله عليه وسلم. وهزم الأحزاب وحده et il a mis en déroute l'équalisé l'unique subhanahu wa ta'ala. Donc trois fois il l'a dit صلى الله عليه وسلم الصفa. Et pendant que le prophète صلى الله عليه وسلم était à la Mecque, Ali رضي الله عنه et Abu Musa al-Ash'ari sont venus. Abu Musa était où? Était au Yémen. Ali, le prophète صلى الله عليه وسلم l'envoya à Hamadan. Il a envoyé déjà Khalid ibn al-Walid à Hamadan et Khalid il est resté 6 mois là-bas, il les appela à l'islam mais ils n'ont pas voulu rentrer en islam. Puis après, le prophète a envoyé Ali et Ali quand il a rejoint Khalid ibn al-Walid, il lui a dit, le prophète te demande de faire demi-tour et que ceux parmi vous qui veulent rester avec moi, qu'ils restent. Et parmi eux, et restait le Bara ibn Azib qui rapporte le hadith, ce hadith là qui est rapporté par l'imam par l'imam al-Bukhari. Et Ali radiallahu anhu il les appela les gens de Hamadan qui sont un clan du Yémen et les appela à l'islam et il leur transmet le message, il leur lit la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils embrassèrent l'islam, ils rentrèrent en islam. Ils rentrèrent en islam et quand l'information part vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui, il a dit que le salut, que la paix soit sur Hamadan, que la paix soit sur Hamadan. Là, Ali il est venu directement à la Mecque, de même que Abu Musa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Ali, est-ce que tu as ramené de hadith, de sacrifice, de bête destinée à être sacrifiée? Il a dit oui. Il a dit donc tu vas être avec moi, tu ne vas pas te désacraliser, tu vas être en état de ihram. Et il a dit à Abu Musa al-Ash'ari, est-ce que tu as ramené de Hadi? Il a dit non. Il a dit, tu vas faire l'Umrah, après tu fais le pèlerinage. Maintenant, on est le 8e jour de Dhul-Hijjah. Le 8e jour de Dhul-Hijjah. Ce qu'on appelle le jour de Tarwiyah. Le 8e jour. Donc, le 4e jour, il est rentré à la Mecque. Donc pendant ce temps-là, il a fait tawaf, il a fait sa'i bain al-safa ou al-marwa, il a donné des prescriptions, c'est-à-dire enseigné certaines prescriptions aux gens de l'islam et tout, des rites et tout. Le 8e jour de Dhul-Hijjah, ce qu'on appelle le jour de Tarwiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigea vers où? Vers Mina. Il pria Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr. Ce jour de Tarwiyah. Et il a fait tahlil bil hajj, il dit la bayka hajj. Et on l'appelle, pourquoi on l'appelle le jour de Tarwiyah? Le terme Tarwiyah, il vient de quoi? Il vient de l'eau. Rawa, Babur Rayyan, la porte du paradis qui s'appelle Rayyan, c'est comme un abreuvoir pour les assoiffés, ceux qui d'habitude faisaient le jeûner, ils rentrèrent par la porte de Rayyan. Donc Rayyan, ça veut dire c'est donner à l'assoiffé ou que l'assoiffé il boit jusqu'à se désaltérer si vous voulez, c'est ça? Donc on appelle ray, et ray ça veut dire arrosage, donc tout ce qui est ray il a un rapport avec l'eau, et donc on appelle ça, ils l'ont appelé ça le jour de Tarwiyah parce qu'ils prenaient l'eau de la Mecque et ils l'emmenaient jusqu'à Mina, parce que Mina à l'époque il n'y avait pas d'eau à Mina, ni à Arafat ni à Muzdalifa. Donc ils prenaient l'eau de Zamzam et ils le transportaient. Ils abreuvaient leurs chameaux et ils remplissaient leurs outres et pour aller à Muzdalifa et à Mina. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yom Tarwiyah. Mais maintenant les choses ont changé. Et le prophète sallam, il reste à Mina, il passe à la nuit, sûr, il fait le Fajr. Et au lever du soleil, on est maintenant au neuvième jour, au lever du soleil, il s'avança vers Arafat, vers la montagne de Arafat. Il s'arrêta d'abord à Namira, qui ne fait pas partie de la région de Arafat. Donc, la Mecque, il faut avoir un agrandissement. Il y a la Mecque, il y a Mina, Muzdalifa et Arafat. Mina et Muzdalifa, ils font partie du Haram. D'accord ? Le territoire, la sacrée. Mina et Muzdalifa sont à l'entrée, sont à l'intérieur. Et Arafat, c'est juste à l'extérieur, tout comme le Hudaybiyah. C'est juste à l'extérieur du Haram. À l'intérieur du Haram, on ne doit pas couper un arbre, on ne doit pas tuer, on ne doit pas beaucoup de choses. Donc, Mina et Muzdalifa, il y a la Mecque. Et puis après, juste après la Mecque, il y a Mina. Et juste après Mina, il y a Muzdalifa. Et après Muzdalifa, il y a Arafat. D'accord ? Le prophète sallam, comme on a dit, il a fait Zohr, l'Asr, le Maghreb, l'Isha et le Fajr à Mina. Il passa donc la nuit. Et il s'avança au lever du soleil, le neuvième jour, il s'avança vers Arafat. Et il s'arrêta à Namira. Il s'arrêta à Namira. Et qui ne fait pas partie, bien sûr, de Arafat. Et les gens, surtout les Quraysh, ils s'attendaient, ils observaient le mouvement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il va rester à Muzdalifa ou il va quitter le haram jusqu'à aller à Arafat? Parce que les Quraysh, ils ne quittaient pas le haram. Durant le pèlerinage, toutes les tribus, à l'époque de la Jahiliya, ils s'arrêtent à Arafat, pour invoquer Allah à Arafat. D'accord ? Mais les gens de Quraysh ne quittent pas, ne vont pas jusqu'à Arafat, parce qu'Arafat ne fait pas partie du sanctuaire. Ils disent, c'est nous les protecteurs du temple, les protecteurs du sanctuaire, et il ne convient pas qu'on quitte le haram, on ne le quitte pas. On reste ici. Et ils attendent, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Quraishite, est-ce qu'il va quitter, il va s'avancer jusqu'à Arafat ou il va s'arrêter à Muzdalifa? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'avança jusqu'à Arafat. Donc il quitta Muzdalifa. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un héritage, le fait d'aller jusqu'à Arafat, c'est Irf Ibrahim alayhi wa sallam. C'est l'héritage du rite de Ibrahim alayhi wa sallam. Hadith rapporté par le Bukhari, 4520. Il a dit qu'Ibrahim avait établi le jour de Arafat comme une partie essentielle du pèlerinage. Et dans le Coran, ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ensuite, déferlez par où les gens déferlent. Les gens, ils déferlent d'où? Ils déferlent de Arafat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à tout le monde, Quraysh ou autre, qu'ils doivent déferler à partir de Arafat. Tout le monde doit s'arrêter à Arafat. D'accord? ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ. Ne restez pas à Muzdalifa. Donc, à Arafat, une tente a été dressée pour le prophète sallam. Et c'était dans la région de Namira. On dit que Namira ne fait pas partie de la région de Arafat. C'est juste à côté, une tente a été dressée pour le prophète sallam. C'était, on est toujours, dans le neuvième jour. Dans le neuvième jour. Donc, le prophète sallam était sous cette tente. Parce qu'ils disent que normalement, le pèlerin, quand il est en état d'ihram, il ne doit pas être sous une parapluie, ou il ne doit pas être sous l'ombre. Mais non, le prophète, en état d'ihram, il était sous cette tente-là. Donc les savants, ils autorisent les parapluies, ce qu'ils n'autorisent pas, c'est le turban ou la chassia et tout. Ça, ce n'est pas autorisé pour le muhrim, pour la personne en état de sacralisation. Mais il peut être sous le capot d'une voiture et tout. D'accord ? Parce qu'il y a les rawafid, les chiites, eux ils font le contraire. Eux ils disent on ne couvre pas la tête et on ne se met pas sous l'ombre de quelque chose. D'accord ? Mais c'est contraire à la sunna du prophète. Ce jour-là, quand le prophète s'avança vers Arafat, ce jour-là, un pèlerin est tombé de sa chamelle et mourut. Il est mort en état de ihram. Et le prophète il a dit, lavez-le. Et avec de l'eau et du jujubier, ce qu'on appelle cidre, couvrez-le de deux tissus et ne le parfumez pas et ne couvrez pas sa tête. Il sera ressuscité le jour dernier en train de faire talbiya. Ça, c'est le grand mérite de celui qui est mort en état de ihram. Hadith de Bukhari, 1265. Prophète sortit de sa tente, monta le Qaswa et s'avança jusqu'au fond de la vallée. Et là, à Arafat, il fit le discours, le grand discours de Hajjat al-Wada'. Ce discours-là est formé de plusieurs discours. Parce qu'il a fait un discours à Arafat, il a fait un discours à Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. Et il a fait même un discours à Mina. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai réuni les discours. Celui qui, si vous trouvez dans un livre un seul discours, Khutbat al-Wada', non, il n'y a pas. Parce que même il y a des compagnons qui ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam une partie du discours, d'autres ont pris d'autres parties du discours. C'est en réunissant tous les hadiths qu'on peut lire le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entier. D'accord. Moi j'ai réuni tous les beaucoup de versions, enfin les versions authentiques. Il commença sallallahu alayhi wa sallam par la louange devant 124 000 pèlerins. 124 000 selon des versions, 114 selon des versions, plus de toute façon, plus de 100 000 pèlerins. Il a fait le khutbah sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'abord commencé par la louange, alhamdulillah, il a alhamdulillah, alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiru. Et il a dit aux gens, écoutez ma parole, il se peut que vous ne me trouverez pas parmi vous l'année prochaine en cet endroit. Là, la version que je vous donne, c'est le discours qu'il a fait le jour du sacrifice, le lendemain de Arafat. Je l'ai réuni avec les autres parce qu'ils sont à peu près similaires. C'est les mêmes prescriptions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le temps a désormais accompli sa révolution et est revenu à son état le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année comprend 12 mois, dont 4 sont sacrés. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, ainsi que Rajab de Modar, parce que la tribu de Modar, il respectait ce Rajab-là. Ainsi que Rajab de Modar, mois qui est entre Jumada et Sha'ban, dans 4 mois sacrés. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Parce que les Arabes, à l'époque de Jahiliya, ils changeaient les mois. Ils changeaient. Maintenant, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses sont revenues comme elles étaient. Depuis qu'Allah il a créé les cieux et la terre, le jour, l'année c'est 12 mois, il y a 4 mois sacrés, comme ils l'étaient quand il a créé les cieux et la terre, quand il a créé le jour et la nuit. C'est les gens qui modifiaient. D'accord? Le respect des mois sacrés, le respect de ce. Mais malheureusement, nous, on s'allie. Même intellectuellement, on est soumis au koufar. Janvier, février, mars, ces mois-là, ça n'existe pas. C'est ces mois-là qui sont légiférés, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de compter comme ça, de faire nos dates comme ça, de dater, de respecter les mois sacrés, d'aimer les mois qu'il a aimés. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime certains jours, il aime certains mois. Donc les mois de Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, les mois sacrés, l'adoration d'Allah, l'adoration, il est compté double. D'accord, de même le péché, il est compté, le châtiment, il est compté double durant les mois sacrés. Donc nous, on doit vivre avec les mois sacrés. Le musulman, il doit vivre avec les mois sacrés. C'est ça l'unicité. Adorer Allah, ça veut dire aimer ce qu'il aime. Aimer les gens qu'il aime, aimer les endroits qu'il aime, aimer les temps qu'il aime. Il y a des gens qui aiment Karbala en Irak. Pour lui, il est mieux que le Kaaba. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, pour dire qu'Allah il aime la Mecque. Allah il aime la Mecque. Donc nous aimons ce que aime Allah. Le prophète sallam il aime la Mecque, il aime le Kaaba. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakka mubarakan wa hudan lin-nas. C'est un endroit béni. On l'aime nous. D'accord. Il y a des gens, le Pakistan il est mieux pour eux que la Kaaba. Il y a des mosquées au Pakistan qui sont mieux que la Kaaba. Quand notre aqida il est déformé, notre vision sur les choses elle est déformée. Notre vision sur l'histoire elle est déformée. Notre vision sur la terre elle est déformée. Sur les lieux elle est déformée. On aime ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le Kaaba, le Mecca, le Medina, le Yémen, le Sham. Tous ces gens, tous ces endroits-là et ces gens-là que le prophète sallam a aimés, nous devons les aimer. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui adorent aussi, ils aiment certaines tombes, aller visiter certaines tombes. Cheikh al-Badawi, pour lui, il est mieux qu'un endroit sacré. أو الله العافية. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en quel mois sommes-nous? Et les pèlerins, ils ont dit, Allah et son envoyé le savent mieux que nous. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tue. Hadith de Abu Bakr, Abu Bakr, Nufay ibn al-Harith. Pas Abu Bakr, mais Abu Bakr, rapporté par, par Imam al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue, il a dit, au point que nous pensâmes, qu'il allait lui donner un autre nom que le sien. Il a dit, en quel mois sommes-nous? Et puis il s'est tué. N'est-ce pas Zulhijja? N'est-ce pas le mois de Zulhijja? Et les pèlerins ont répondu, certes, envoyé d'Allah. Et puis le prophète sallam, il a dit, en quel pays sommes-nous? Et puis il se tue. Jusqu'au point, Abu Bakr Nufay ibn al-Harith, il a dit, nous pensons qu'il allait lui donner un autre nom que le sien. Et puis le prophète, après s'être tué, il dit, n'est-ce pas dans la cité sainte, alayhi al-Balda? Ils ont dit, si, envoyé d'Allah. Certes. Et puis le prophète a dit, en quel jour sommes-nous? Et il se tue. C'est-à-dire le temps qu'il laisse, ce temps de silence, c'est pour montrer une chose. C'est pour, quand il se tait, c'est pour montrer la valeur d'une chose dont on va parler. Il a dit, en quel jour sommes-nous? Et il se tue. Et puis il dit, n'est-ce pas le jour de sacrifice? Khutba, il était au jour du sacrifice, le lendemain de Arafa. Ils ont dit, certes, envoyé d'Allah. Il a dit, soyez sûrs que votre sang, vos biens et votre honneur vous sont sacrés comme est sacré ce jour dans votre pays-ci, en votre mois-ci. Le sang du musulman, l'honneur du musulman, sa réputation, ses biens sont sacrés comme est sacré le jour du sacrifice, le mois de Dhul-Hijjah, dans cet endroit-là, dans la Mecque. La valeur du musulman, on ne doit pas toucher à son sang, on ne doit pas toucher à ses biens, on ne doit pas le léser. Il est sacré. Il y a des gens, ils aiment les koufars, les mécréants, ils plaisantent avec eux, ils sympathisent avec eux, mais son frère, il mange sa chair, la médisance. Surtout ce qui se passe maintenant. Ils se déchirent les uns les autres. La médisance. Mubtadi', hadayli khawarij, hadayli jahmit, hadayli morji'a. Et on dit des paroles sur nos frères. Nos langues sont douces pour manger la chair, pour dire du mauvais sur nos frères. Et ils ne disent rien sur les ennemis d'Allah. Tu trouves la personne, il ne répond jamais à des égareurs. Les chiites sont là, ils propagent leurs ambiguïtés, les ahbas, les autres égareurs, mais sur son frère, c'est sans pitié. Il faut qu'il suive cette recommandation-là. Le sang de ton frère, il est sacré. Ses biens sont sacrés, son honneur est sacré. Il n'y a pas plus dangereux que toucher à la réputation de le médire. Le médire, c'est plus dangereux. Rappelez-vous, dans la bataille de Ben el-Mustalik, quand Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites, il a propagé la rumeur, il a propagé des propos diffamatoires, des calomnies sur Aïcha radiallahu anha, tout Médine était perturbé. Il a suffi juste une parole. Il l'a accusé d'adultère. Il n'a même pas dit directement. Quand Safwan ibn Mu'attal l'a ramena au camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne s'est pas échappé d'elle et elle ne s'est pas échappée de lui. Il commence à propager ça fait toute ça fait agiter tout Médine. Durant un mois, le jihad s'est arrêté. Un mois le jihad, une parole, il a arrêté tout le jihad. Un mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam perturbé, les compagnons perturbés, jusqu'au point où Sa'd ibn Mu'ad ou Usayd ibn Hudayr, ils levèrent l'épée. Les Aws et Khazraj, ils ont failli s'entretuer à cause d'un mot. Médisance, le danger de la médisance, le danger de manger la chair de son frère. Dima'akum wa amwalakum haram. Hadith de Bukhari, numéro 67. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute pratique de l'jahiliya est sous mes pieds. Toutes les pratiques qui sont du paganisme sont sous mes pieds. Et là, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout son verset avant l'islam n'est plus revendiqué, à commencer par notre sang, les vengeances, les guerres tribales. Ça y est, tout ça n'est plus revendiqué. Personne ne doit venir et revendiquer le sang de quelqu'un. Mon oncle a été tué par telle personne, il faut que je me venge. Maintenant, tout sang qui a été versé avant l'islam doit être annulé. On ne parle plus maintenant de l'ancienne histoire. Ça y est, maintenant l'islam, il faut soumettre aux lois d'islam. On ne peut pas encore traîner derrière soi les réticences, les dissensions contre les tribus ou contre les clans, contre les familles. D'accord ? Et à commencer, par Sassalam, il a commencé par qui ? Par lui-même, par sa famille, par les plus proches. Il a dit, à commencer par le sang de Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Rabi'a ibn al-Harith, il était allaité chez les Bani Sa'd. Et la tribu de Hudayl, les tuèrent. Ils ont tué Rabi'a ibn al-Harith. On ne revendique plus de sang, ce sang-là. Il est des nôtres et on ne le revendique plus. Il a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, par lui-même. Regardez cette équité. Regardez cette justice. Par nous-mêmes. Et il a dit, toute usure est annulée. Riba. Riba. Le plus faible degré de riba, il vaut 36 fornications. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui commet une fornication, le had d'Allah subhanahu wa ta'ala, la loi d'Allah, s'il est marié, il est lapidé jusqu'à la mort. Riba, c'est 36 fois ça. 36 fois. Le plus bas degré de riba, le plus bas. Toute usure. Toute usure. Elle est annulée. À commencer par le nôtre. Je commence par moi-même. L'intérêt du prêt de l'Abbas est entièrement annulé. Je commence par l'Abbas, mon oncle, maintenant. L'intérêt, je l'annule. Il a commencé par lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Tout riba est haram. Il y en a qui disent que riba juste entre deux personnes, c'est ça, c'est haram. C'est ça qui est haram. Mais dans la banque, c'est un investissement, ça contribue dans un projet. Et ils veulent insinuer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam tafa'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Si vous ne voulez pas vous repentir, Allah dit dans Surat al-Baqarah, alors déclarez une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé. Et c'est pour ça que la personne qui pratique ce genre de choses, le jour du jugement, va lui donner une arme. Ils vont dire, les anges vont dire, tu vas combattre. Combattre qui ? Combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, le verset, il le dit. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a parlé de femmes, les droits que nous on doit, les droits que nous devons aux femmes. Il a dit que vous avez des droits sur vos femmes. Et elles ont les leurs sur vous. C'est-à-dire, les femmes ont des droits sur nous et nous, on a des droits sur nos femmes. Il a dit, pour ce qui est à vous, elles se doivent de ne faire asseoir à votre couche personne que vous détestez. Et ni de commettre une turpitude avérée. Donc, ils ne doivent pas inviter une personne, des gens que vous détestez. D'accord ? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si elle le faisait, ça veut dire s'ils vous désobéissent, pas qu'ils commettent les turpitudes ou le zina, parce que le zina, le hadith, c'est un rajm, c'est la lapidation. Si elles vous désobéissent, Allah vous autorise alors à ne pas les côtoyer dans la couche, et si cela ne suffit pas, à les frapper, frappez-les, mais sans coups violents. Il ne faut pas faire des coups d'arbre, comme a dit le sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas frapper des coups, il ne faut pas donner des coups violents. Il faut éviter le visage, comme dans l'une des versions. D'accord ? Il y a une différence entre le coup de quand le mari il frappe sa bien-aimée ou bien il frappe son ennemi. Il y a une différence. Par exemple, quand il a frappé Aïcha, un coup de poing comme ça, il a frappé. Nahazani, Nahaza, comme il a dit à Aïcha. Un petit coup comme ça. Et ne pas éviter le visage. Et en général, ceux qui se parlent premier avec sa femme, ils donnent des coups, ils n'utilisent pas la voix qui a été légiférée par Allah. C'est qu'il doit l'exhorter, il doit lui montrer ses erreurs. Et deuxièmement, il doit il ne doit pas la côtoyer, il ne doit pas partager avec elle le lit, ce n'est qu'en troisième chose qu'il la frappe. Et en plus, il ne doit pas la frapper très fort. D'accord ? Il faut qu'il suive cette voie-là. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُزَهُنَّ فَعِضُهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ وَضَرِبُهُنَّ » Troisième chose. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Voilà, le premier pas. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et s'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Dans Surah Nisa, le verset 34. Et puis il a dit, recommandez-vous de faire du bien aux femmes, car elles sont elles des prisonnières chez vous, et ne disposent pas de pouvoir personnel. Et car Allah vous les a confiées en dépôt et vous a permis de les rapprocher. Donc il nous a recommandé de bien faire, de bien se comporter avec nos femmes. D'accord ? Mais là, ils l'ont jusqu'à la mettre en esclavage, jusqu'à ce qu'ils l'affichent dans des affiches et ils la vendent, ils l'achètent comme ils veulent. Liberté, il parle de liberté. Et puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé ce avec quoi, si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égaré. Ah, ça c'est une recommandation, ça c'est le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je vous ai laissé ce avec quoi, si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égaré. Une voie claire, le livre d'Allah et la conduite de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons qui ont écrit la révélation ont dit, parce que eux ils comprennent plus de textes. Allah, il dit, prophète, non, mon cheikh il dit telle chose. Je ne dois pas obéir comme eux, je dois obéir comme mon cheikh. L'autre il dit, je vois mon imam, l'autre il dit, je suis malikite, shafirite, moi je suis, même s'il fait un shihad, il contredit le verset, un verset ou un hadith, il dit, moi je suis shafirite. Cet entêtement, ta'assub madhhab, n'a pas été, Prophète nous a mis en garde. Je vous ai laissé libre d'Allah et la sunna du Prophète. Bien sûr, l'ignorant, il est pardonné. L'ignorant, il est pardonné. Mais quand la personne, il lui vient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le comprend, et il dit, moi je suis malikite, ou je suis halbalite, je dois suivre, même si ce qu'a fait l'imam Ahmed contredit le hadith, il a fait un jihad, mais il n'a pas réussi à atteindre la vérité, radiallahu anhum, les quatre imams, on leur doit beaucoup de respect, mais on ne les prend pas, il n'y a pas de prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? On ne soumet que aux ordres du prophète d'Allah et de son envoyé. D'accord. Et ils l'ont dit. Les imams des quatre écoles, ils l'ont dit. Kullun illa waradun wa mardudun alayh illa sahib hadha al-qabr. Imam Malik. Chacun, on peut le corriger, on peut répondre à lui, sauf celui, l'autre de cette tombe, et il a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors c'est ma voix à moi, comme a dit l'imam Shafi'i. Imam Abu Hanifa, haram, interdit à celui qui prend notre parole sans chercher d'où est-ce qu'on l'a pris. L'imam Ahmed, la tuqallid l'Auza'i, ne suis pas l'imam Auza'i, ou l'imam Malik, ou la Sofiane, et suit et prend d'où ils prennent. D'où est-ce qu'ils prennent eux? Du Coran et de la Sunna. La tuqallid Malikan, ou la tuqallid l'Auza'i, ou la tuqallid Fulan, ou la. Ne limite pas aveuglement et prend de ce qu'ils prennent. C'est un. Kitab Allah, sunnah. Chaque musulman est un frère pour le musulman. Que les musulmans sont des frères. Ukhuwa fillah. Ukhuwa fillah. Il n'est donc pas permis, il est donc permis à une personne de prendre de son frère que ce qu'il lui a donné de bon gré. Ne faites donc pas du tort. Des injustices, ne vous faites donc pas du tort. Et si on vous pose, le professeur Salam il a dit, si on vous pose la question à propos de moi, qu'allez-vous dire? Quand il a terminé, il a dit, si on vous pose la question à propos de moi, qu'allez-vous dire? Et puis les pèlerins, ils ont répondu, nous témoignons que tu as transmis le message, accompli ta mission et a été de bons conseils. Voilà l'Ishahad. Le professeur Salam, il a témoigné sur des gens. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبتصميم التموني اسكو جي ترانسمي ils ont dit nous témoignons que tu as transmis nous témoignons que tu as été de bons conseils et que tu as accompli ta mission. Jabir radiallahu anhu, le rapporteur du hadith, ce hadith l'a rapporté par Muslim, le prophète sallam il leva l'index vers le ciel et il dit Allahumma fashhad, oh Allah sois témoin. Et Jabir il dit, le prophète sallam il lève le doigt vers le ciel et en même temps il le descend et il désigne le cortège, les pèlerins. Il dit Allahumma fashhad, Allahumma qad ballaght, Allahumma fashhad. Et il désigne le ciel, qu'Allah est au-dessus des cieux. Hadith, comme j'ai dit, rapporté par Muslim, il a fait trois fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'après-midi, à Arafat, il a reçu la révélation, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum islam adina. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous ai rendu l'islam comme religion. Il a reçu cette révélation l'après-midi après le discours et la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enfourcha sa chamelle et invita Oussama ibn Zayd radiallahu anhu à monter derrière lui. Là, il a terminé après le khutbah et après l'asr, il monta la chamelle, il le fit monter, Oussama ibn Zayd, il le fit monter derrière lui et il descendit la colline. Il descendit la colline et traversa la vallée en direction de. Maintenant, il va où? Il va à Muzdalifa. D'accord? Il va à Muzdalifa. Il a fait la prêche, le discours qui est à Arafat, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en levant les mains, il a levé les mains sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'on pourcha sa chamelle et l'emmena avec lui, Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, en direction de Muzdalifa. Et il était suivi par tout un groupe de pèlerins. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu crier les gens et tout, et les chameaux aussi en train de crier. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leva son fouet et puis il s'écria, il dit aux gens, doucement, il ne faut pas accélérer, il ne faut pas agir ainsi, nous vous rapprochons guère d'Allah. Il faut faire les choses doucement, faut pas, parce qu'à l'époque de Jahiliya, ils accéléraient, quand ils quittaient Arafat, ils le font vite pour atteindre Muzdalifa avant le lever, avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil. Le prophète sallam, comme j'ai dit, il monta sa chamelle et tout, et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il se dirigea vers Muzdalifa. Bien sûr, dans les dhikrs qu'il a fait, les du'as, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmad al-Tirmidhi, et il est authentifié par Cheikh Albani rahimahullah et confirmé aussi par Cheikh Ibn Baz qui le met dans les petits livres où il y a les invocations. Il dit le prophète sallam khayru du'a du'a yawm arafa wa afdalu ma qultu ana wa an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Le meilleur du'a, c'est le du'a qui se fait à Arafa. Et la meilleure chose que j'ai dite moi et ceux qui m'ont précédé, les prophètes qui m'ont précédé, la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mangé ce jour-là, ça veut dire le jour de Arafat, il n'a pas jeûné. Maïmouna radiallahu anha, sa femme, il a ramené une base pleine de lait et devant les gens, et il a bu sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour les gens qui ne font pas le pèlerinage, ils jeûnent le jour de Arafat. Mais les gens qui sont à Arafat, ils ne le jeûnent pas. Parce qu'ils sont préoccupés par du'a, par la prière, par beaucoup de choses. D'accord? Donc il a mangé ce jour-là, le jour de Arafat. Aftar, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à une étape de Muzdalifa, là il quitte Arafat, il rentre dans le haram. Il rentre, sallallahu alayhi wa sallam, dans le haram. Il descendit de sa chamelle. Il a descendu de sa chamelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam, dans un coin. Et Oussama l'attendait. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il revint, il fit ses ablutions, fait des ablutions très légères, et c'était Osama qui lui verse l'eau, et puis l'heure de la prière, ça y est, le soleil s'est couché. L'heure de la prière de l'Maghreb est arrivée, le soleil s'est couché. Et Osama, il a dit, la prière et la salat ont envoyé d'Allah. Et le Prophète sallam dit, salat ou amam, la prière devant toi. Et ils sont avancés jusqu'à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, il a réuni les deux prières, c'est-à-dire il est arrivé à Muzdalifa, l'Isha. Et il a fait le Maghreb et l'Isha réunis. Il a fait un seul adhan, et qamat l'Isha à raka'atayn. Et qamat le Maghreb, il a fait le Maghreb. Et puis juste après, sans faire de prière entre eux, il a fait directement l'Isha, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith de Bukhari 139. Et puis, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, il n'a pas fait de prière entre les deux prières, et il a fait ce qu'on appelle Jama'at Akhir, il a réuni Jama'at Akhir, et puis comme il est parti où? Il est parti à Mesh'ar al-Haram. Il s'est endormi à Muzdalifa, il a passé la nuit à Muzdalifa, et puis demanda de faire Adhan al-Fajr, et puis l'Iqama, il fait la prière de Subh, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il monta le qaswa, la chamelle. Donc il a passé la nuit, il a réuni entre le Maghreb et l'Isha, il a passé la nuit à Muzdalifa, il a passé la nuit, et puis il a demandé qu'on fasse, il a demandé Bilal pour faire l'adhan, il a fait le fajr, au sabh, et puis il se dirigea directement vers où? Vers le Mash'ar al-Haram. Le Mash'ar al-Haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah al-Mash'ar al-Haram, un petit monticule qui se trouve près de Muzdalifa. Et là, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifia, il a fait le dhikr, il a fait le tasbih et tout, et jusqu'à, il est resté debout, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que l'aurore, le jour, il s'est dévoilé, c'est-à-dire l'aurore, il s'est découvert. Avant le lever de soleil, avant, il a fait le fajr, et il est allé le Mash'ar al-Haram, et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'adhkar et tout, à côté du Mash'ar al-Haram, cet endroit-là, et puis, jusqu'à ce que l'aurore s'est découvert, puis il déferla de Muzdalifa vers Mina. Là, de Muzdalifa, il quitte à Muzdalifa, et il alla vers Mina, qui se trouve à l'intérieur de l'Haram. Donc, Muzdalifa, Mina et la Mecque. Mina, c'est proche de, à peu près de là. C'est au milieu, entre Muzdalifa et le Kaaba, entre Muzdalifa et le Kaaba, il y a Mina. Donc il a quitté. Il déferla de Muzdalifa, il alla vers Mina avant le lever du soleil. Qabl talou' al-shams. Inch'Allah. Qabl talou' al-shams. Inch'Allah, al-baqiyya ila. بقى الوقت حبس إن شاء الله نؤذن لصلاة العصر ونصلي خمس دقائق إن شاء الله. Et là il alla vers Mina, et puis là c'était comme j'ai dit avant le lever du soleil, et il fait monter qui? Al-Fadl ibn Abbas رضي الله عنه. Donc au début il a fait monter Osama ibn Zayd, et puis là il a fait monter Al-Fadl ibn Abbas, radiallahu anhu, il le mit derrière lui, et là, ils rencontrèrent une femme de Khus'um, une femme d'une tribu. Et puis le Prophète, il regarda, il remarqua qu'Al-Fadl, il est en train de regarder cette femme. Et la femme est en train de le regarder. Il remarqua ça, puis le Prophète, il a pris le visage de Al-Fadl, radiallahu anhu, il le tourna de l'autre côté. Et puis la femme, il s'approcha du Prophète, et lui posa la question, il a dit, l'obligation de l'Hajj, il a atteint mon père, alors qu'il est vieux, et il est vieux, il ne peut pas faire le hajj tout seul, il ne se tient pas sur une monture. Est-ce que je peux faire le hajj à sa place? Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu peux faire le hajj à sa place. Et quand on posa la question au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a tourné le visage de Fadl ibn Abbas, il a dit, j'ai vu un jeune homme et une jeune femme se regarder, et j'ai peur que le shaitan les tente. Hadith de Bukhari 1513. Et là, Mihsar, ça veut dire la vallée entre Mina et Muzdalifa. Là, il s'avance vers Mina. Et il y a une vallée, comme un web, qui s'appelle Mihsar. Il le passa, le Prophète sallam le traversa. Et il a demandé à Ibn Abbas de lui ramasser des cailloux. Et Abbas, Abdullah ibn Abbas, s'exécuta. Et il ramassa des petits cailloux. il est mis dans le sana. Et puis le professeur sallam a dit, c'est des cailloux qui sont pareils que de cette taille. Ça veut dire des cailloux de petite taille. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.